Nouvelle 4. Shocking. Avant de faire la connaissance de la délicieuse Miss Sarah Bigot, laissez-moi, comme les convenances l'exigent, vous présenter son père et sa mère. Monsieur le Major Bigot, d'abord. Tout le monde s'accorde à l'appeler Major, sans qu'on sache bien exactement ce qu'il a majoré dans le temps. Mais qu'importe le titre, si l'homme est un gentleman, un vrai gentleman, et c'est le cas. Le Major Bigot est un gentleman dans toute la force du terme. Au physique, représentez-vous un petit gros homme à visage écarlate, à court favori blanc, à gros nez violet. Violet, c'est peu dire. Il faudrait, en dépit de toute grammaire, mettre violet, au pluriel, tant le nez du Major Bigot arbore, selon les circonstances, de tons différents, oscillant entre les plus somptueux lidevins et les indigos sombres. Il a pour boisson favorite tous les breuvages fermentés et la plupart des spiritueux connus. Madame la majoresse Bigot, maintenant. Cette personne n'offre pas un intérêt assez spécial pour que je m'arrête à la décrire. Vous avez vu des vieilles anglaises, n'est-ce pas? Eh bien, Madame Bigot ressemble à toutes les vieilles anglaises que vous avez vues. Là, êtes-vous content? La caractéristique de Madame Bigot est la pudeur, à tel point qu'elle ne souffrit jamais que sa cuisinière introduisît un poireau dans le pot-au-feu. Maintenant que vous connaissez le papa et la maman, je vais vous présenter Miss Sarah Bigot. Du blond, du blanc, du rose, 16 ans, une buée. Cette buée utilise ses loisirs à faire de la photographie. Il est arrivé en cet art à une perfection que pourraient lui envier les plus habiles professionnels. J'ai oublié, mais il est temps encore, de vous dire que la famille Bigot, à l'instar d'une foule de familles anglaises, avait déserté l'United Kingdom pour faire de la France son coutumier séjour. Les Bigot habitent une jolie petite villa de sainte adresse, avec vue sur la baie de la Seine et sur cette délicieuse côte qui va d'Honfleur à Trouville. Un jour, le Major Bigot, il y aura demain 3 semaines, prétexta une affaire urgente en Amérique et s'embarqua, après un rapide goodbye à sa famille, sur le paquebot Champagne. La vérité, c'est qu'il avait été frappé de la grande beauté d'une actrice française, Madame Sarah Bernhardt, partant elle-même pour New York. Voyager avec une si charmante femme, oh rêve! Je ne prétends pas que l'artiste française accueillit mal ses hommages, mais toujours est-il que le lendemain même de son arrivée, le Major s'embarquait sur un steamer de la ligne Cunard qui le ramenait à Liverpool. 36 heures après, il était au Havre. Son court séjour en Amérique lui avait suffi pour faire l'emplette d'un merveilleux instrument, dernière découverte de l'inépuisable ingénieur Blacksmith. The Telephotic, tel était le nom de l'appareil. Cet instrument, admirable combinaison de télescope et de l'objectif ordinaire, permet de photographier les images les plus lointaines aussi facilement que si vous les aviez sous la main. C'est épatant. Je laisse à penser la joie folle de l'insubstantielle Sarah Bigot en déballant l'instrument. Allait-on en faire de beaux clichés? L'inventeur du gélatino-bromure avait supprimé le temps, voilà que la distance devenait un vain mot. Où la science s'arrêterait-elle, mon Dieu, et même s'arrêterait-elle jamais? Tout de suite, Sarah Bigot voulut essayer son appareil. Vous savez ce que c'est que les jeunes filles. Il faisait un temps froid, mais sec. L'air était limpide, excellente condition. Sarah braqua sur l'horizon les myosotis pâles qui lui servaient Dieu. Aidée de la lunette, elle découvrit sur la côte, en face, un endroit délicieux. Au bord de la mer, un petit pré dans lequel un peintre consciencieux s'escrimait à reproduire la belle nature d'hiver. Près du peintre, assis sur un pliant, une jeune femme, sa maîtresse sans doute, ces gens-là ne se plaisent qu'au concubinage, se livrait activement à un travail de broderie ou de tricot, je n'affirmerai pas. Sarah mit l'appareil au point, introduisit la plaque et toc, poussa le déclic en question. Ça y était. Pendant le développement du cliché, la famille Bigot était toute pantelante, car on s'intéressait beaucoup aux petits travaux de Sarah. Cette dernière sortit enfin du cabinet noir, tenant entre ses doigts d'aurore la plaque de verre ruisselante. Chacun s'approcha. Seul Shakespeare, et encore, pourrait rendre l'effet d'horreur de cette scène. Le Major Bigot poussa en 20 secondes plus de Godham qu'il ne s'en consomme en un an sur le reste du globe. Son nez sembla successivement éclairé par tous les feux de Bengale du jubilé de l'impératrice des Indes. Madame Vigot exhala un long gémissement. Quant à Sarah, de rose qu'elle était, elle devint rouge comme un coq qu'on aurait trempé dans un seau de carmin. Oh, ces artistes français! Avez-vous deviné ce qui s'était passé? Pendant les quelques secondes nécessaires à l'introduction de la plaque, après la mise au point, le peintre, pour être paysagiste, on n'en est pas moins homme, s'est élevé, en proie à un besoin d'épanchement sur lequel vous me permettrez de ne pas insister. Il contribua, pour sa faible part, à grossir les flots de la mer. La mer en a vu bien d'autres. Ce fut Madame Vigot qui, la première, revint au sentiment de la réalité. Saisissant l'immonde cliché avec des pincettes, elle le jeta par la fenêtre. Étrange, étrange. Le lendemain matin, la bonne, en balayant la terrasse, n'eut à constater la présence d'aucun verre cassé. Sarah Vigot avait ramassé les morceaux. C'est égal. Depuis ce moment-là, elle n'opère plus qu'à bout portant.